Chapitre 4. Les soins de la mère Étienne, les papiers d'André, un don fait en secret, la charité du pauvre. Ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est la charité du pauvre. Le lendemain, de bon matin, Madame Étienne était sur pied. En vraie mère de famille, elle visita les deux paquets de linge et d'habits que les jeunes voyageurs portaient sur l'épaule, et elle mit de bonnes pièces aux pantalons ou aux blouses qui en avaient besoin. En même temps, elle avait allumé le poêle, ce meuble indispensable dans les pays froids du Nord, qui sert tout à la fois à chauffer la maison et à préparer les aliments. Elle étendit tout autour les vêtements mouillés des enfants. Lorsqu'ils furent secs, elle les brossa et les répara de son mieux. Tant qu'elle pliait avec soin le gilet d'André, un petit papier bien enveloppé tomba d'une des poches. « Oh !» se dit l'excellente femme, « ce doit être là qui renfermait toute la fortune de ces deux enfants. Si, comme je le crains, la bourse est trop légère, on fera son possible pour y ajouter quelque chose. » Et elle développa le petit paquet. « 10, 20, 30, 40 francs, se dit-elle, « que c'est peu pour aller si loin. La route est bien longue d'ici à Marseille. Et les jours de pluie et les jours de neige, car l'hiver bientôt va venir. » Les yeux de la mère Étienne étaient humides. Et dire qu'avec si peu de ressources, ils n'ont point hésité à partir. Ô pauvre France, tu es bien malheureuse en ce moment, mais tu dois pourtant être fière de voir que, si jeune et pour rester tes fils, nos enfants montrent le courage des hommes. Seigneur Dieu, ajouta-t-elle, protège-les, fais qu'ils rencontrent durant leur longue route des cœurs compatissants, et que pendant les froides soirées de l'hiver, ils trouvent une petite place au foyer de nos maisons. Pendant qu'elle songeait ainsi en son cœur, elle s'était approchée de son armoire, et elle atteignait sa petite réserve d'argent, bien petite hélas, car le père et la mère Étienne avaient cruellement souffert des malheurs de la guerre. Néanmoins, elle y prit 2 pièces de 5 francs, et les joignit à celle d'André. « Étienne sera content, dit-elle, il m'a recommandé de faire tout ce que je pourrais pour les enfants de son vieux camarade. » Quand elle eut glissé dans la bourse les pièces d'argent, « ce n'est le tout, dit-elle, examinons ce petit rouleau qui enveloppait la bourse, et voyons si nos orphelins ont songé à se procurer de bons papiers, attestant qu'ils sont d'honnêtes enfants et non des vagabonds sans feu ni lieu. » Ah, voici d'abord le certificat du patron d'André. J'atteste que le jeune André Volden a travaillé chez moi 18 mois entiers sans que j'aie eu un seul reproche à lui faire. C'est un honnête garçon, laborieux et intelligent. Je suis prêt à donner de lui tous les renseignements que l'on voudra. Voici mon adresse, on peut m'écrire sans crainte. Pierre Hetman, maître serrurier établi depuis 30 ans à Falsbourg. Bien cela, dit Madame Étienne en repliant le certificat. Et ceci, qu'est-ce? Ah, c'est leur extrait d'âge, très bien. Enfin, voici une lettre de maître Hetman à son cousin, serrurier à Épinal, pour le prier d'occuper André 1 mois. André portera ensuite son livret d'ouvrier à la mairie d'Épinal, et monsieur le maire y mettra sa signature. De mieux en mieux. Les chers enfants n'ont rien négligé. Ils savent que tout ouvrier doit avoir un livret bien tenu et des certificats en règle. Allons, espérons en la Providence. Tout ira bien. Lorsque Julien et André s'éveillèrent, ils trouvèrent leurs habits en ordre et tout prêt à être mis. Et cela leur parut merveilleusement bon, car les pauvres enfants, ayant perdu leur mère de bonne heure, n'étaient plus accoutumés à ses soins et à ses douces attentions maternelles. Julien, dès qu'il fut habillé, peigné, le visage et les mains bien nettes, courut avec reconnaissance embrasser Madame Étienne, et la remercia d'un si grand cœur qu'il en fut tout ému. « Cela est bel et bon, répondit-elle gaiement, mais il faut déjeuner. Vite, les enfants, prenez ce pain et ce fromage, et mangez. » Le poêle. Le poêle est nécessaire dans les pays froids, comme ceux de l'Est et du Nord, car il donne plus de chaleur qu'une cheminée. Mais cette chaleur est moins saine, elle rend l'air trop sec. Pour y remédier, il est bon de placer sur le poêle un vase rempli d'eau.